Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila nduku na kila dada mujina la Yesu Kristu. Nous en profitons pour saluer tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous suivent en ligne. Tuko na faidia kusalimia wanduku yetu na dada yetu benitufata kupitia mtandao. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Mungu abariki la moja wenu. Sans plus tarder, nous vous invitons à vous lever. Bila kawia, tunamialika mpate kushimama. Nous prenons 1 roi chapitre 17. Tunaiba kitabu wa falme wa kwanza, sura ya 17. Un roi chapitre 17. Ufalme wa kwanza sura ya 17. Je vais prier. Mitaomba. Dieu Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi, ton véritable nom est le Seigneur Jésus-Christ. Jina lako la kweli ni Bwana Yesu Kristu. C'est toi, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Ni wewe Jéhovah wa Agano la Kale. Le Dieu qui s'était fait connaître à Abraham. Mungu ulajulisha kwa Ibrahimu. Et à tout Israël. Na kwa Israeli yote mjima. C'est toi pour lequel nous sommes rassemblés cet après-midi. Ni juu yako ndio tunakusanya mangaribi. De même que eux ont trouvé grâce auprès de toi. Paka vile boba pata neema kupande wako. C'est ainsi que Seigneur. Ndio vile Bwana. Tu as jeté le regard parmi toutes les nations. Uliangalia katikati ya mataifa yote. Parmi toutes les langues. Katikati ya makabila yote. Toutes les tribus. Makabila zibyote. Et toutes les familles de la terre. Na majama yote hapa dunia. C'est ainsi que tu as appelé la sœur et le frère. Njo hivi ulita nduku na ulita dada. Tu es le même Dieu, tu n'as pas changé. Uku yule mwamoya oyabadilika. Seigneur, quand tu commences une œuvre dans un homme ou dans une femme, wakati unaanza kazi fulani mwanduku wala wadada, tu veilles à ce que cette œuvre puisse prospérer. Unagalamu ukesha njoo ile kazi pati kwenda kumbele. Parce qu'elle n'est pas une œuvre humaine. Sababu haikalaki kazi ya kimuntu. Mais c'est ton œuvre. Lakini ni kazi yako Mungu. Nous voici, Seigneur, rassemblés. Shiaba tunakusanyika. Conscient que nous sommes le produit et l'ouvrage de tes mains. Benye kujua kusema tuko kazi ya mikono yako. Seigneur. Bwana. Permet que cet après-midi, Seigneur. Urusu imangaribi. Que chacun de nous repartant de ces lieux. Kila moja wetu pakutoka paifashi. Ait un témoignage vivant. Apate kuya na ushuda yenye kuwa ai. Une assurance vivante. Atikisho ya kuya yenye kuwa ai. Car kwani, tu es celui pour qui nous sommes rassemblés. Ukuule, juaki tunakusanyika. Pardonne nos manquements, Seigneur. Urumie makosefu yetu. Nous agissons souvent pas correctement. Mara mingi tunatenda mbaya. Nous parlons toujours pas correctement. Tunasema mara mingi mbaya. Seigneur. Bwana. Agrée ce rassemblement. Pas de kubali mkusanyiko. Pas à cause d'une quelconque bonne œuvre. Hapana njuu ya tendo mzuri fulani. Mais à cause du sang et de l'offrande de Jésus. Lakini kwa ajili ya damu na sadaka ya Yesu Kristu. Accepte Seigneur. Na pate kuchika. De briser le pain pour nous ce soir. Ya kuvunja tena mkate juu yetu mangaribi. Nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Ata bandu kwetu badada yetu fata kupitia mtandao. Puisse tirer profit de ta présence. Mapate kufaidia na upi yako. Puisse tirer profit Seigneur des effets de ta parole. Mapate kufaidia na matokeo ya neno lako. Et des effets du Saint-Esprit. Na matokeo ya Roho Mtakatifu. Nous le demandons. Tuneiomba. Et croyons que tu le feras. Na benye kwa benye kusema utaifanya. Selon ta promesse. Fuata na malako yako. Au nom de Jésus Christ. Mujina la Yesu Kristu. Amen. Amen. 1 roi chapitre 17. Ufalme wa kwanza sura ya 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab. Sura kwanza, Élie mtusbiti mukaji wa Galati akamwambia Akab. C'est le premier verset. Sura ya kwanza. L'Éternel est vivant. Wa milele mwenye kuwa ai. Jéhovah est vivant. Yehova ni mzima. Il n'est pas comme tout autre dieu. Anasa Mungu au miungu ingine. Lui, il est vivant. Ye ni mwenye kuwa hai. C'est-à-dire il n'a pas reçu la vie de quelqu'un. Nikusema ashipokee bujima wa mtu mwingine. Il est auteur. Eko mwanzishi. Et c'est lui qui communique. Na niye njo kunaleta bujima. C'est ce que Elie voulait dire à Akab. Jo vile Elia alifia kumwambia Akab. Que cheza na ba miungu bengine pas kucheza na Jehovah. Tu peux plaisanter avec d'autres dieux pas Jehovah. Ni Mungu mzima. Il est le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, dont je suis le serviteur. Ule mi ni kumtumishi. Il n'y aura ces années-ci imiaka, ni rosée ni pluie. Akutakuya ta lumande wala vula, sinon à ma parole. Kama ena tu kwa neno langu. Que le Seigneur bénisse la portion de l'Écriture. Bwana abariki semu la neno. Nazani ki mupendeze Mungu. Je pense c'est la volonté de Dieu. Batamu zika da Godé samedi. On va enterrer la sœur Godé le samedi. Vile pasteur anatuma habari ibusubu ya leo. Tel que le pasteur nous a communiqué ce matin. Bale banona kusema batakuwa muhitaji ya kwenda Lubumbashi. C'est qui trouve qu'ils peuvent aller à Lubumbashi. Aina mambo, il y a pas de problème. Bale na boba nona sa kutakuwa na mna bo kwenda. Ceux qui n'ont pas aussi les moyens pour arriver à Lubumbashi. Abatende zambi. Vous n'avez pas aussi péché. Mambo ni mamoyen ako wepe. Le problème ça dépend de vos moyens. Bwana mbariki. Que le Seigneur bénisse. Ya mafani wena mie na shituri tangu turitengeneze. Ce qui est très important, c'est que toi parce et moi que puissions nous préparer. Alulake. Parce que la mort ne nous promet pas. Kona kwetu kuna chana na kona kwa Mungu. Notre façon de voir c'est différent de la façon de voir de Dieu. Kuna mipaka ila tutatambuka. Nous tous avons des limites auxquelles nous ne pouvons pas traverser. Loni nafatu anzi kutayarisha shikote. Alors nous devons nous préparer chaque jour. Na kuya kwetu kwa shikote ifashi. Et notre façon de venir chaque jour en ces lieux. Permettre Mungu ako na permettre kwa kila dada kila nduku. Dieu est en train de permettre à chaque frère et chaque sœur. Uyo kutengeneza maisha yako. Que tu puisses arranger ta vie. Parce qu'à tout moment nezi kualika. Parce que mwakati yote il peut t'inviter aussi. Il peut t'inviter aussi à la maison. On s'y attendait le moins. On s'y attendait le moins que Dagodé pouvait partir. La kini ni mipango wa Mungu. Alors ça nous donne beaucoup de matière à réflexion. Et nous patia na ishina kufikiri. Que chacun comprenne que kila moja wetu apate kuelewa. Que la soi-disant bonne santé que tu manifestes ne te trompe pas. Parce que il est afia konekana ishipate kulanda. Tu peux partir étant dans le sommeil. On est kufa mushingishi. Tu peux connaître un accident de moto. Mushiba tana mtukutuku. Un accident de véhicule. Wala na gari. Tu peux tomber ne sachant pas comment tu es tombé et tu pars. On est kuanguka na ujua hata vile unaanguka lakini unaenda. Alors soyons prêts. Ça kwa ile tu es tayari. C'est chose essentielle. Jo kenye kia msingi kia mno. Na kujua kwa tayari. L'occasion t'est donnée encore cet après-midi. Batio inakupewa tena mangaribi. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Notre sujet de ce la semaine ici, Shina yetu ya ijuma, c'est un sujet que vous connaissez bien. Ni Shina ile mobote mnajua mzuri. Soyez certains de Dieu. Mwe na uhakika ya Mungu. Soyez sûr. Mwe na uhakika na Dieu qui vous a appelé. Ya kwamba Mungu ulalimita. Soyez sûr. Mwe na uhakika. Que vous appartenez à Christ. Ya kusema uko wa Mungu. Soyez sûr. Mwe na uhakika. Que vous êtes un candidat pour l'enlèvement. Ya kusema uko moja juu kwenda kunyanyuliwa. Soyez sûr. Uko na uhakika. Kusema atalufu. N'est rien pour toi. Ana kitu mbele yako. Cette assurance-là, il a tikisho, ou cette certitude-là, voilà, il est quoi, la tikisho, n'attendez pas ça pour demain. Apana kuchunga, juu ipate kesho. Faites-en une votre propre affaire aujourd'hui. Ukwe mambo yako ya mwenyewe peke yako leo. Amen. Amina. Soyez sûr aujourd'hui na hakika leo, que vous êtes un enfant de Dieu, ya kwamba uko que vous êtes une fille de Dieu, que vous êtes un élu ou une élue. Yakusema uko mteule mwanamke wala mwanaume. Soyez sûr aujourd'hui. Uwe na uhakika leo. Ne vous donnez pas encore un délai. Apana kujipatia tena mipaka. Soyez sûr aujourd'hui. Uwe na uhakika leo. Que Jésus-Christ. Yakusema Yesu Kristo. Vous a appelé personnellement. Arikuita mkipeke. Ne vous laissez pas entraîner dans un mouvement d'église. Usijachire kwenda mandamano ya kanisa. Soyez sûr aujourd'hui. Uwe na uhakika leo. Amen. Amen. Et je pense personnellement kwa upeke, que ce sujet maishina, doit être une petite parenthèse na pashkwa mkato kidoku, quant à la divinité, l'enseignement que nous avons. Kwa ile mafundisho tuku nayo ya kimungu. Pourquoi? Jua nini? Vous allez voir dans toute la Bible. Utaona Biblia mjima. Que tous ceux qui ont rencontré Jéhovah. Ya kusema bale bote abumana Yehova. Tous ceux qui ont rencontré Jéhovah dans la chair de Jésus-Christ. Bale bumbana Yehova mumwili Yesu Kristo. Vous allez remarquer. Utaona ya kwamba. Que leur conduite. Ya kusema mwenendo yabo. A changé. Ilibadilika. Et nous allons nous servir de certains petits témoignages de la Bible. Na tutatumia mamshuda kidogo ya Biblia. Njoo kusaidia. À vérifier ce que toi tu fais aujourd'hui si vraiment tu es certain que Jésus-Christ est Dieu. Upate kuangarishisha bya kweli bila unafanya leo kama hakika Yesu Kristo ndio Mungu. Tu peux avoir tout l'enseignement sur la divinité. Unaweza kuwa na mafundisho yote ya kimungu wa Yesu. Mais cela ne te donnera pas l'assurance dans ton cœur. Lakini ile haiwezi kupatia tikisho ndani ya moyo wako. L'enseignement vient après la foi. Mafundisho iko nakuwa ni kisha imani. Amen. Amen. Vous devez être sûr. Unapaswa kuwa na uhakika ndugu wangu na dada yangu. Je ne sais pas en quel terme faut-il le dire. Mishiwe msemo kani tena mimi naweza kusema lakini que le Saint-Esprit le révèle à chacun de vous. Kwa mtakatifu ipate kuifunulia kila mmoja wetu. Soyez certain aujourd'hui. Uwe na uhakika leo. Que vous êtes un homme une femme sauvée. Ya kwamba uko mwanaume wala mwanamke mwenye kokolewa. Uwe na uhakika. Mon frère et ma sœur. Ndugu wangu na dada yangu. Que vous ne faites pas la religion. Ya kusema aufanye dini. Soyez certain. Uwe na uhakika. Que Jésus-Christ. Ya kwamba Yesu Kristo. Et Dieu véritablement. Dieu Mungu uhakika. C'est lui Jéhovah. Yeye Jehova. C'est lui le El Shaddai. Yeye El Shaddai. C'est lui le El Elyon. Yeye El Elyon. C'est lui Adonai. Yeye Adonai. C'est lui l'ange de l'Éternel. Yeye Mungu wa milele. C'est lui le Dieu puissant. Yeye Mungu wa uwezo. Amen. Amen. Et qu'il vous a appelé. Na yenjo arikuita. Lui personnellement. Ye kwa upeke. Vous a chuchoté quelque chose dans votre cœur. Arisema chini chini ndani ya moyo wako. Et que vous vous retrouvez ici. Na wona kutanikana hapa. Sur base d'une intimité entre toi. Kwa ajili ya mapatano. Et Dieu qui a appelé Abraham. Ya weye na Mungu alitaka Ibrahimu. Amen. Amen. C'est-à-dire rien n'a temps de fonter na michel. Ah, ce n'est plus le temps de plaisanter maintenant. Je vais vous donner un exemple. Tempatia mfano Biblia. Regardez Rahab. Mungaishi Rahab. J'ai toujours moi pris des petits exemples comme ça. Mina ibatu mifano kidogo toa hivi. Pourquoi? Jua nini? Dans ma petite expérience. Mu onjo angu kidogo na mie. J'aimais souvent. Na bianza kupenda sana. Quand je lisais la Bible. Wakati nasoma Biblia. Je me retrouve. Nipate kujikutanisha ndani. Que je vois vraiment que. Nione ya kwamba. Ce qui est arrivé ici. Ilifika hapa. C'est comme ça que c'est arrivé. Jovi vinifikia na mie. Et comme tel qu'il a évolué ici. Paka vile aliendelea hapa. C'est comme ça que j'évolue. Jovi na mimi kunaendelea. Tant que vous ne vous voyez pas dans la Bible. Wakati yote au jione mu Biblia. Je crois que vous n'êtes pas dans la foi. Nazania ya kwamba hauna muimani. Amen. Amen. Trouvez aussi votre place ou vos expériences, trouvez-les dans la Bible. Wenawe pata fashi yako wala onjo yako ndani ya Biblia. Tant que vous ne voyez pas vos expériences. Wakati yote aone onjo yako. Votre appel. Aone mwito yako. Votre foi. Aone imani yako. Dans la Bible. Ndani ya Biblia. Ah, je ne sais pas, ce n'est pas le Dieu de la Bible qui vous ule, a appelé. Ule aina Mungu wa Biblia alikuita. Amen. Amen. Josué. Yoshua. Chapitre 2. Yoshua sura pili. Parce que quand on anza kuriona we mwenye mu Biblia, si tu te retrouves dans la Bible, itakusaidia hata kama mhubiri anasema banahubiri injili ya nguvu je, utakuwa sûr kusema mimi niko hapa. Ça t'aiderait même si le prédicateur prêche la vérité de la Bible, tu vas te retrouver mon ancien dans testament ni ku mfano ya huyu. Dans l'ancien testament, mfano ya huyu. C'est l'exemple de celui-ci. Unaweza kubalula hata batano bali ba 10. 3 ou 10. Bwana mbariki. Que Dieu vous bénisse. Josué chapitre 2. Yoshua sura ya pili. Verset 1. Sura ya kwanza. Josué fils de Nun fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant. Yoshua mwana wa Nun akapeka bapelelezi bawili. Akabatuma katika siri. Nakabambia hivi. Et il a dit ainsi. Allez. Mwendeni. Examinez le pays. Mkapeleze inchi. Et en particulier Jéricho. Na kwa upeke Jéricho. Ils partirent. Makaenda. Ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Mnyumba ya kaaba mafulani. Qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Na bakalala mule. Frère. Nduku. Sœur. Dadang. Quand vous lisez ce récit. Wakati unasoma imambo. Utasema. Vous allez vous dire. Mimi teriona moje. Comment est-ce que moi je peux me retrouver? Ouais, frère, ouais, sœur. Toi, ma frère, mon frère, ma sœur. Un chrétien véritable. Rahab est le modèle de tout vrai chrétien ou toute vraie chrétienne. Rahab ni mufano ya mkristo ya kweli mwanamke na mwanaume. Je vais vous le démontrer. Mitemionesha ndani ya Biblia. Regardez. Mwangalien. Vous allez vous demander. Mutejuliza. Aba bantu barifika kwa Rahab je? Ces gens ici, comment ils se sont retrouvés chez Rahab? La réponse Jibu. À cette question. Kwa ulizo. Et la réponse ni Jibu. À la question de savoir comment toi tu es chrétien, comment tu es chrétienne. Ule ulizo na julisa ni mkristo je, ni mkristo mwanamke mwanaume je. Unapasha na wewe julisa. Tu te poser la question aussi. Mi rifika ku ile neno la kweli. Comment suis-je arrivé au message? Kama unapata jibu ku ile question. Si tu trouves la réponse à la question. Jibu comment apa ba espion ba ripatikana. Tu trouveras aussi la réponse comment ces espions ils se sont retrouvés chez Rahab. Le Dieu qui a conduit tes pas. Qui a croisé ton chemin? Mungu ulaongoza matua yako alibumbana mjia yako. Qui a croisé ton chemin? Na alibumbana nawe mjia. Et qui a fait que tu sois connecté à la parole du jour? Na alifanya upate kubumbana na neno la siku. Et qui soit connecté à ce que l'esprit fait à notre temps? Upate kuungana na kile roho iko nafanya mwi wakati. Ni ule Mungu mamoya. Qui a conduit les pas des espions? Aliongoza matua ya wapelelezi ku nyumba ya Rahab. Après tout, je Kwa yote, c'est comme si ils sont entrés à Kambo. Admettons Rahab soit à Kiwewe. Kwa mufano Rahab kwa Kiwewe. Ils ont laissé passer toutes ces maisons. Namna kani bariacha manyumba yote. Mule baweza hata kubapokelea. Et ils sont allés tout droit chez Rahab. Lakini bakaenda mara moja kwa Rahab. Amen. Amen. Vous allez vous poser Mutejuliza. Posez-vous cette question. Ata mwe benye mujulize. Parce que Jericho c'était quand même une grande cité. Jericho ilikuwa ni muji munene. Et même clôturé. Ilikuwa yenye kufunga na mambukuta. Comment se sont-ils retrouvés seulement chez Rahab? Namna kani barikutanika paka kwa Rahab. Amen. Amen. C'est là le grand mystère du salut. Jo pale peko siri mkubwa ya wokovu. C'est là le grand mystère. Jo pale peko siri. Quand Dieu appelle un homme. Wakati mtu konaita mwanaume wala mwanamke. Parce que la Bible dit. Sababu Biblia inasema. Dieu conduit les pas des justes. Mungu jo konongoza matua ya wenye haki. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui canalise. Jo ekonaongoza. Notre vie sur la terre. Maisha yetu pa dunia. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui sait comment tu devais croire? Jo arijua comment na vile upashi kwa amini. Tu devais être mis en face de la parole. Namna kani atakuweka mbele ya neno la siku. Et Dieu lui-même. Na Mungu yeye peke yake. Anatengeneza mambo. Pour mettre sur ton parcours. Ju aweke munjia yako. Des hommes et des femmes. Bantu banamke ya banaume. Bale wapasha kukuonesha ujumbe. Amen. Amen. Il s'est arrangé. Alitengeneza mambo. Par certains, pas seulement des prédicateurs. Aina tupaka baubiri. Peut-être un ami. Sazinye rafiki. Peut-être un oncle. Amen. Sazinye muyomba, sangaji. Sazingine jirani hata wakazi, rafiki. Wala tu jirani wa masomo. Njoo kwa vile Mungu alifanya. Juu upate kushikia. Ya kwamba kuko ujumbe wa siku. Kuko nabii wa siku. Na kile kitu. A frappé ton cœur. Il gusa moyo wako. Njo kama njo vile Mungu atendaka. Na les espions. Sasa bale wapelelezi. Quand ils sont arrivés à Jéricho. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Qui a inspiré Josué. Ule alivutwa Yoshua njo kufanya vile. Lui-même. Ye mwenyewe. S'est occupé des espions. Ariangaikia bapelelezi. Et a cherché. Na alitafuta. Une élu. Muteule moya. Ce qu'il devait loger. Ule barpashe bakwikala. Mais regardez l'élu en question. Sasa ule muteule mwenyewe mwangalieni. Alikuwa ni mkaaba. Mwele wakati alikuwa mkaaba. C'est comme ça que le message, quand il nous parvient tous, le message peut te trouver étant une prostituée, un prostitut. Peut te trouver étant un grand tribaliste. Et le Saint-Esprit, na, Rome Taratif, ayant saisi les deux espions, akabamba la peleze, bah oui. Leur a indiqué la maison où ils pouvaient aller frapper. Il baongoza munyumba mulu apashi kwenda gonga. Ils étaient en train de passer, en train de laisser les maisons. Et ils se sont posés la question, comment tu trouves? Avançons un peu. Comment tu trouves? Demande d'abord ici. Il dit, ah non, moi je ne me sens pas. On avance encore. Arrivé à un endroit, l'un des espions Moumoua Bapelezi dit à son frère, Ambia Mdukwaki, moi je pense qu'on peut entrer d'abord dans cette maison. Moi aussi j'allais te dire, on peut toquer ici. Ah, alors posons la question. Alors quand ils sont arrivés là-bas, Rahab, en Ebangaria, elle pensait peut-être que ce sont, pas que ouais, pensait que ce sont des amants qui sont venus chercher quoi que tu sois. Il a regardé leur apparence et dit, ce sont des juifs. Elle a dit, approchez, entrez. Et ils sont entrés. Et wakati baringi. Et ils lui ont révélé nabakamfunulia la chose, l'objet de leur mission. Kifukuzio ya le kazi yabo. Yenye kwa kya kugusa kabisa. Regardez la déclaration. Mwangalie misemo ya Rahab. Prenez ça. Mbebe Josué chapitre 2. Yoshua sura ya pili. Regardez le verset 3. Musaragatatu. On envoie des gens de l'aner. Matuma batwa aner bakuba. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, Mfalme wa Yeriko akatuma batwa kwa Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Ututoshe bale batu beko kwako. Qui sont entrés dans ta maison. Bale baringia munyumba yako. Car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. Kwani barikuya ninjo kupeleleza inchi mujima. L'année de ce temps-là. Vous voyez comment le roi parle. Voyez, hein? C'est avec toute précision. Et qu'on a fait sortir les deux hommes qui sont entrés chez toi. Parce que sont des juifs. Ils sont venus pour explorer notre pays. Il n'y avait pas de doute. Le chaque roi, non. L'aner de l'époque. Hein, avait par quoi, bah chaque patte mambo yot, chaque jour, yakusimana, ils sont entrés chez Rahab. Maintenant regardez le mystère. Mwangarieni siri pali. Frère. Nduku. Rahab en son temps. Rahab mwakati yake. Et même toi aujourd'hui. Atawe leo. À la place de Rahab. Pa face ya Rahab. C'est une mambo grave ça. C'était grave quand mambo ata. Parce que sa vie en dépendait. Parce que maisha yake ilikuwa pali. Il savait que mais c'était difficile. Cette femme-là. Mais néanmoins, mongarene, une prostituée. Mondumba, mkaba. Regardez comment elle fait. Mongarene, verset 4. Fagne, suraine, la femme prit les deux hommes. Et les cacha. Et elle dit. Na kasema, il est vrai. Que ces hommes sont arrivés chez moi. Kusema, aba batu mais. Lakini, je ne savais pas d'où ils étaient. Mishikuye kule baritokea. Et comme la porte a dû se fermer de nuit. Savile mulango rifunga wangari, non, non. Bushiku pakulala shibote. La nuit, la porte était fermée. Chacun de nous a fermé sa porte. Ces hommes sont sortis. C'est vrai, je les ai reçus chez moi. Mais ils n'ont pas passé nuit chez moi, ils sont partis de nuit. Moi, je suis prostituée, vous savez. Et moi, je ne savais pas vos missions qui vous parlaient. C'est pourquoi ils sont venus. Lakini mwakati anaanza kusema aliwaka kinyi balikuya kufata muichi. J'ignore où ils sont allés. Lakini mishijua kule banenda. Hâtez-vous de les poursuivre, vous les atteindrez. Mwarakishe mbafate mtebakuta. Elle les avait fait monter sur le toit. Elle les avait cachés sous des tiges de lin. Na abafutika mulo ma qu'elle avait arrangé sur le toit. Il a quoi ça tengeneza? Maintenant, regardez le verset 8. Mwangalieni mstari wa 8. Avant que les espions se couchent, mbele bapelelezi wapate kulala, Rahabu monta vers eux sur le toit. Rahab akapanda nabo pamalata, et leur dit, na akabambia, Jehova, je le sais, minajua, vous a donné ce pays. Anesha mpacha inchi. Est-ce qu'ils avaient déjà en possession le comment pays? Parlait comme ça? Pourquoi Joanine n'a pas ma ville? Suivez la suite. Fateni. Vous a donné ce pays. Inchi. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Boka bule muku natoa, bunesha tupata. Et tous les habitants du pays na, bote wa inchi, tremblent devant beko, vous. Na tetemeka mbele enu, car kwani, nous avons appris kushikia, comment à votre sortie d'Égypte Jéhova a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Alikausha mari mai mbele yenu ya bari mwekunda. Verset 11. Nous l'avons appris. Turishikia tena. Et nous avons perdu courage. Na turipotesha udari. Et tous nos esprits na maro yetu yote sont abattus à votre aspect. Kukonekana tu kwenu. Car kwani c'est Jehovah. Ni Jehovah. Votre Dieu. Mungu wenu. Qui est Dieu en haut. Jo Mungu juu. Qui est El Elyon? Na ni El Elyon. C'est lui El Shaddai. Ni Ejo El Shaddai. C'est lui Adonai. Ni Ejo Adonai. C'est lui le Dieu. Ni Ejo Mungu mwenye uwezo yote. Ces paroles sortent de la bouche d'une prostituée. Kinywa ya ndumba. Mungu wenu. Votre Dieu. Jo Mungu wa byakwe. C'est lui le Dieu véritable. Nous n'avons pas Dieu. Et si nous vous regardons seulement d'apparence, nous avons peur à nous. Que Dieu bénisse. Ça, I, c'est ça la révélation. Jo ufunuo. Elle était sûre Arikwana et certaine wakika de Jéhovah. Natikisho ya bwa ya Jéhovah. Regardez maintenant, frère. Mwangalieni sasa nduku. Quand on est sûr et certain. Wakati unakuwa na uhakika. Ya kwamba c'est lui que j'ai reçu, c'est lui le Dieu vrai. Ce message, c'est ça la parole véritable. Comment a-t-elle agi? Namna kanuritenda. Namna kana etenda ribeba ile atari ya kufuchika wala pelelezi akumaisha yake ruweza takupotea. C'est maintenant qu'elle révèle ce qui a motivé sa conduite. Joël Ilionesha mwenendo yake. Elle s'est révélée. Le risque qu'elle a pris pour cacher. Elle les a révélés maintenant. J'ai accepté de tout faire. Mentir dans mon pays, c'est parce que je savais que vous avez le Dieu vrai. Amen. Amen. Donc, quand on est certain de Jéhovah, même la conduite, même les paroles, misemo, même ton comportement, change. Amen. Amen. Wakati unawakikisho ya kwamba seke jeresi c'est ça la parole de Dieu. Ni kusema même votre comportement changera. Ni mubiri anaanza kumonesha. Est-ce que c'est le prédicateur qui dit à Rahab? Apana. Qui lui a dit ça? Nani alimwambia hivi? C'est Jehovah. Ni Jehovah. Ce qu'il fait. Dieu il en a fanya. Na we mwenye pale wiko. Même toi-même là où tu es. Tu dois considérer maintenant et dire quand j'avais écouté le message et Barubiriaka Ujumbe, comment avais-je réagi? Namna kaniritendaka. Et comment réagis? Comment je me comporte aujourd'hui? Na nikune jiongoza namna kanileo. Comment j'agis aujourd'hui? Namna kaniku natenda leo. Comment je parle aujourd'hui? Namna kaniku nasema leo. Comment je m'habille? Namna kaniku navala leo. Comment je me comporte dans namna kani nikune jitwala mu nyumba yangu. Est-ce que les élus voient ça maintenant? Eti bateuli beko naona sasa? C'est-à-dire, ni kusema. Comportement quoi leo? Votre comportement d'aujourd'hui montre réellement si vous avez compris Bumungu. Na kama uliamini bien. Et si tu as cru réellement. Je vous donne un autre exemple. Nimpatia mfano mwingine. Luc 24. Luka sura ya 12 na 4. Nous allons revenir à Rahab. Tutarudiria kwa Rahab. Luc 24. Luca, je vous montre un petit détail avant de revenir à Rahab. Luc 24. Luca makumi mbili na ine. Verset 51. Mustarake makumi tano. Pendant que Jésus le bénissait, mwakati Yesu aranza kubabariki, il se sépara d'eux. Akajitenga nabo et fut enlevé au ciel. Na akanyanyuliwa mbingu. Écoutez maintenant. Shikeni sasa. Pour eux, kwabu, après l'avoir adoré, kisha bo kumwabudu, il retournait bakarudia à Jérusalem. Yerusalema. Avec quoi? Na nini? Une grande joie. Na furaha mkubwa. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Eti bakwasha pata Roho Mtakatifu. Suivez maintenant la suite. Fateni. Et ils étaient na barikuya, continuellement paka begendelea dans le temple. Mu kuikala mwekalu. Louant benye kutukuza Dieu. Mungu. L'attitude ali de quelqu'un ya mutu qui a cru à la parole de son temps. Ariamini kuneno ya wakati yake. L'attitude nte kutenda de l'homme ya mutu femme, wala mwanamke wala mwanaume mwenye wala ramini ujumbe ya wakati yake moyo wake inekaraka nye kujia sana na furaha sababu anavala super wax kikwembe hapana na kila siku ishiasi nespa ipe l'heure de l'assemblée arrive wakati anakuya wakati kukuibadi wakati kumaombi nani anaweza kwenda kumwambia sasa kuna maombi amen amen ba Kristo beko hapa eti les chrétiens sont là vous vous revoyez maintenant mune est que mnajikuta sasa sasa kama wewe unaona kusema bu Kristo bwa kuabuna hivi si toi tu trouves que ta quantité n'est pas pareil Mungu wa Biblia yebalo kutufanya kintu na wewe le Dieu de la Bible n'a encore rien fait avec toi jusque là aina tirasiri. Ce n'est plus un mystère. Aina terasiri. Angara bale Yesu anabariki na anabacha bila Roho Mtakatifu. Regardez les gens que Dieu Jésus a béni et il les a laissés sans le Saint-Esprit. Fura itokia wapi? Tunapata Mungu ajabu. Nous avons reçu le Dieu vrai. Tunapata neno la Mungu. J'ai reçu la parole de Dieu véritable. C'est ce qui était la joie, qui faisait la joie de leur cœur. Dieu ilikuwa fura ya mioyo yabo. Na apana tuile. Tunapata Mungu ajabu. J'ai trouvé le Dieu vrai. Vivant. Ibada shukani, mukazi mbili, mukazi tatu, kazine, vendredi, vous dites, il y a la prière, je serai là. Continuellement, baranza kuendelea, et louant Dieu, na kumsifu Mungu, pour dire, Bwana, aksanti. De ce que j'ai reconnu la voix du jour, miriyo anjia, sauti ya siku, mijumbe ya siku, Mungu anenita, Dieu m'a appelé, Mungu, le Dieu qui a appelé Abraham, c'est lui qui m'a appelé. Vous voyez maintenant ce qui fait la faiblesse aujourd'hui. Beaucoup de gens se sont adhérés à l'église. Regardez les gens que Dieu, avec qui Dieu a rencontré. On ne les pousse pas pour venir à l'église. On ne les pousse pas pour gêner. Parce qu'ils savent qu'ils ont Dieu. Ils sont sûrs que c'est lui le Dieu véritable. Ils sont Bekuna wakika ya kusema mambo yangu yote itapata jibu kwake ye. Bekuna wakika ya kwamba celui qui va me donner le mariage, c'est celui que je viens de recevoir. Celui qui donne l'emploi, c'est celui que j'ai retrouvé. Le Dieu pour qui je dois chanter, le Dieu que je dois chercher les cantiques, c'est celui-ci. On n'exhorte jamais un chrétien qui vient de quoi pour acheter la Bible. Il kona wakika ya kusema yejo Mungu wa kweli. Sasa mafundisho ya ule Mungu ikunapatikana ni Biblia. Atejikaza muile mabushara ya kidogo anaenda kununua Biblia. Le champ nimbo za ukovu je n'ai pas. Est-ce que tu n'as pas deux nimbo za ukovu que tu me prêtes un peu? Tu n'as pas deux nimbo za Mungu pour me prêter un peu? Nduku unipatie ko j'ai besoin de nimbo za Mungu. Nini ni la rencontre avec le véritable mapatano na Mungu ya kweli uko na uhakika yake uko na uhakika wasema yejo Mungu ya kweli mena qui s'attache à Dieu ça vale boto na matana kana Mungu non biote bina matana na Mungu ne fait pas manquer quoi que ce soit ye aspenda kupusa kitu hata kimoya frère on en Ndugu, vous n'avez pas la Bible. Regarde tous les Android de tes téléphones. Bible la Bible, tu n'as pas. Nimbo, auna nayo. Venir à l'église. Regarde à la montre. Ah, le prédicateur commence à 17h. 16h, il dit, ah, j'ai encore du temps. Non, Kati. Ça, eux. Ils avaient le Saint-Esprit. Mais vous vous dites que vous l'avez. Takini, où est-ce qu'on a ces mots qu'on a eu? Frère Branham dit ceci. Dans le même message. Citation 2. Il dit ceci. Soyez certains de Dieu. Du 25 janvier. Il y a le 25 janvier 1959. C'est dans sa prière, une courte prière. Écoutez ce qu'il dit. Pour l'exposé de ce matin, j'ai choisi comme sujet, soyez certains de Dieu. Maintenant, il fait sa prière. Et maintenant, Seigneur, bénis ta parole alors qu'elle est proclamée. Et puisse le Saint-Esprit captiver les esprits et nos esprits et nos pensées et nous préparer pour ta visitation. Puisque nous lui avons demandé de venir. Nous avons demandé que le Saint-Esprit puisse venir nous visiter. Sabab. Écoutez maintenant, suivez maintenant très bien. Nous ne venons pas à la maison du Seigneur pour être vus. Amen. Amen. Amen. Nous ne venons pas à la maison du Seigneur parce que Messie Bouton doit être vu. Sabab, je dois exposer Messie Bouton. Mais mon coteau doit être vu. Je me lèverai pour danser que les gens voient. Nous ne venons pas pour ça. Suivez. Nous ne venons pas à la maison du Seigneur pour être vu. Ou pour voilà. Voir. Et comment il était habillé? Son mari, il est comment? Ils vont consacrer le bébé aujourd'hui, Batatolea, un clé dans la tête. Vous voyez la personne qui est en train de suivre la sœur en train de passer. Nous ne venons pas pour voir. Si à toi que tu as connu. Nous ne venons pas pour ça. Si à toi que tu as ilé. Comme je suis maintenant interprète des sourds. Ça, il finit à couper ça, ça baboubou. Dimanche, je fournirai mes efforts pour passer devant aussi. Je dois vous habiller comme ça. Que les gens voient. Bah, tu kona. Comme je suis caméraman. Ça, il vient à Kalam vous filmer. Aujourd'hui, j'ai me pointé là-bas. Comme ça, bagnone. Maintenant, ils vont voir. Nous, on ne vient pas pour ça. Si à tout quoi que Dieu a il est. On ne vient pas pour à tout quoi que Dieu a il est. Nous ne venons pas si, ici. Si tout à tout quoi qu'il a pas. Comme j'ai frappé aujourd'hui, comme ça. Je vais sortir d'abord pour aller me soulager. Sans besoin. Bila itaj, lakini, ba pate kuchikia, ba pate kunyona. Nous, on ne vient pas pour des choses si comme ça. Si, atuwa ke juhabitu wa vile. Suivez. Faten. Nous ne venons pas à la maison du Seigneur atuwa ke mnyumba abwana pour être vu juhu ba pate kutuona ou pour voir. Wala juhu akuona. Mais, lakini, suivez maintenant. Faten. Pour apprendre de toi juhu tu pate kufunda tokea kwako. Pour connaître ta nature, Dieu a kujua asili yako, ta voix, manjia yako, et tes raisons, na masababu yako, afin d'être capable, Dieu tupate kuwa na uwezo, d'affronter les problèmes de la vie, ya kukombana na ima mambo ya maisha, je viens à l'église, nuna kwa kanisa, pour que ni yue Mungu bien, pour que je puisse mieux connaître Dieu. Ça, j'ai des problèmes que je vais rencontrer sur cette terre. dans le mariage, j'aurai des problèmes. Au travail, j'aurai des problèmes. Mes enfants, il y a des problèmes qui peuvent survenir. Maintenant, je viens à l'église. C'est pour mieux connaître Dieu, ce qu'il est, et connaître ce que c'est lui, la solution à tous les problèmes qui peuvent m'arriver dans ma vie. C'est pour cela que nous venons, nous, à l'église. Si j'ai des problèmes dans le mariage, je viens à l'église. Que je puisse connaître la nature de Dieu. Que je puisse toujours à Mautawa, Ninini, la puissance, sa vertu, comme dans ma mambo. Nous venons à l'église. Pourquoi? Juanini. Comme je vois Adagode vient nous précéder, moi aussi je dois savoir, un jour je vais encore partir, mais je suis en train de venir, que je puisse m'apprendre de la part de Dieu, Guilhem Apachakufanya, Wakati le Lufuluangu Lutafika. Vous voyez combien ils sont, combien au milieu de nous? Batu bena kuwa sasa. Njuu baone ma kochi yake ya si buton. Ya ma buton mbili wala karvati. Njuu ile bena kuia. Njuu kenye bena kuia kunesha. Shie lakini tu kuna kuia. Ni kuna akiri ya zabiri yote. Ya kuwa mwenye kuzariwa na baba na mama fulani. Miriti mifano mubaya. Na niku nakuya wakati minafunda kile Mungu anaweza kufanya mbele ya tabia fulani mubaya hivi, nakuya juu ule Mungu apate kunibadilisha. Jua nini? Sababu nuna wakika wasema ye njo Mungu bea kweli na afanyake michezo ashindake. C'est pour ça nous venons. Dieu qui est tout nakuyaka. Je viens. Nous nakuya kanisa. Parce que insoumission ne dit pas quoi. Ça va. Kuti exagère auprès de mon mari. Dieu, que Dieu puisse m'aider. Que je sois aussi chrétienne dans ma famille. C'est pour ça que nous venons. Dieu qui est tout nakuyaka. Amen. Amen. C'est pour ça que nous venons. Dieu qui est tout nakuyaka. Apprendre de toi, kufunda toka kwako, ta nature, asili yako, ta voix, manjia yako, comment je dois me conduire, namna kani mimi nasijongoza mwi dunia, comment je dois me comporter, namna kani nasijitwala hata mkanisa. C'est pour ça que nous venons. Tu kienzo akuyaka avec une soif, hein, na ile kiu, et une faim, na njaa, d'avoir aussi Dieu ya comme kuya Abraham, na Mungu sawa vile Ibrahim alikuwa naye, ya kuwa na Mungu sawa vile Daniel alikuwa naye. Ils étaient tellement sûrs de ce Dieu. Bali kuya na hakika ule Mungu. Quand vous lisez, wakati mwaka mwana wakati mwana soma, namna kani babiana ba hivi, bali wezi kuichika kutoa maisha yabo ku hatari ya hivi. Pourquoi? Jua nini? Bali kuwa na hakika wasema mwa milele ni wa kushangaisha. Anasema wa milele. Yehova, wakati tunashimama ku ngambo yake. Yehova achiri yake kamwe batoto yake. Yehova achiri yake. Na shitu unako kanisa. Juu tupate kufanana na Daniel. Fatana Yehova na Job. Yehova fatana Rahab. Wakati Rahab alijua kusema aba batu ni taifa ya Mungu. Rahab alisema mina bana staili bapate kubakinga. Namna kani wona semaka jua banduku na badada garia wewe vile unasemaka banduku. C'est pour ça que tu viens à l'église. Dieu qui est nakuya au kanisa. Tu es certain, tu es sûr qu'ils sont de ces hommes, ce peuple ici, c'est un peuple de Dieu. Kuna waki wasema taifa taifa ya Mungu. Là tu ne comprends pas. Tu ne connais pas. Est-ce que tu es certain? Ukuna wakika. Que bibi yako ni mchristo. Wasema ta femme elle est chrétienne. Maintenant quand tu te comportes tel que tu te comportes. Mwakati kuna tenda vile unatendaka mbele yako. Rahab anakupita. Rahab te surpasse de loin. La parole a trouvé Rahab. Neno la Mungu limkuta Rahab. Etant une prostituée. Mwenye kuwa mka musharati ndumba. Mais toi la parole. Lakini wewe neno la kuta. Inakuta uko masomo ya batoto ya miyenga. Ulikuwa masomo ya miyenga. C'est pour ça que tu es monté. Ndio kwa maana ulipanda humu. Lakini Mungu Rahab yarikuwa mkaaba. Comment voulez-vous frère? Namna kanapenda. La conduite d'une prostituée nous dépasse nous qui avons 10 ans dans le message. Mwenendo akaba inetushindia sisi wenye kwa na miaka 10 katika ujumbe. Elle, yeye. Un simple contact. Ilikuwa ni mapatano kidogo sana. Posons-nous la question. Tujiulize kwanza. Eti bapereza ba mubiri kimumbu Mungu. Eti amuiza ba mubiri mapu ya wokovu. Lakini angalia kutenda kwa Rahabu. Ça dépasse beaucoup de frères et de sœurs. Déjà ils ont déjà écouté mapu ya wokovu, majuma saba ya Danieli, kimungu ya Yesu, kikoani. Tout ça ils ont déjà écouté. Lakini Rahabu ni mushiku moya. Yeye alikuwa aipata ile wei auna pata kadiri ya miaka 12. Sasa entre toi et Rahab, si tu mourras aujourd'hui, qui ira au ciel? Qui doit aller au paradis? Rab, elle disait aux gens, Moukonekana tout en vous voyant, quand je vous vois là, j'ai dit, vous êtes des enfants de Dieu. Et je ne peux pas dire de mauvaises choses sur vous. Maintenant, le frère et les soeurs, Bandoukwa Badad, avez-vous déjà arrangé ce que vous avez déjà dit? Là, ici, il y a des gens. Ils ont déjà menti. Tu as menti un frère, tu as menti une soeur. Mais ils sont ici. Vous êtes ensemble chaque jour. Tu n'as jamais arrêté Ngézak. La personne que tu as trompé, tu as menti, elle est toujours dans cette église. As-tu déjà allé pour dire frère, Ndoukoudad, ce que je vous avais dit l'autre fois, c'était les mensonges. Pardonne-moi. Où ils sont? Où sont-ils? Ces problèmes-là, vous regardez. Qui chacun dans le Lubumbashi, et puis tu viens d'arranger ça après. Vous avez des dossiers dans vos cœurs. Vous renvoyez ça plus tard. Ça, pourquoi? Vous êtes sûr que Jésus-Christ est Dieu? Jésus-Christ, vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? En toute vérité, que c'est lui le Jéhovah de la Sainte Sainte Sainte Sainte Sainte Sainte. Mais comportement quoi écoute quoi vie? Ça devait pas être comme ça. Mais entre temps. Ouais, kuile. Divinité qu'on a fondisha. Ça va t'aider en quoi? Divinité. La divinité qui mung, ça va t'aider en quoi? Là, nous sommes en train de jouer comme des enfants. Nous sommes en train de blaguer comme des enfants dans les choses de Dieu. Attitude ya muntu anapatana na Mungu, frère. L'attitude de la personne qui croise Dieu. Abilomba ke ba m'expliquer bintu bya mingi. Ça ne demande pas qu'on puisse vous donner beaucoup d'explications. Attitude ya muntu anapata neno la kweli. De la personne qui a reçu la véritable parole. Ça ne demande pas ma facilité beaucoup. L'attitude, son attitude prouve que anapatana na kintu kya kweli. Il a croisé des réels. Maintenant ici, le véritable chrétien, vous allez vous retrouver dans Rahab, les faux chrétiens, et aussi ils trouveront que moi, je ne tue pas comme ça. Maintenant, où qu'on a chunga nini? Parce que la divinité, c'est pas 2 mois, 3 mois. Boutimungu, ça va prendre, ils avaient mis un jimbiri à la tatu, la kini on a chunga nini? On révèle encore d'autres choses. Voilà. Non, à panne. Et puis non, non. Et vous voyez, j'en parlais, je crois, au frère le matin. Vous savez pourquoi on prêche la divinité? Nous sommes des païens de la nation. Chez les Juifs, c'était plus une question de discussion. Eux savaient que Messie, c'est lui Jéhovah. Maintenant, en ce temps-là, ça, c'est le cas. C'est-à-dire que Jésus est le Messie. Pour eux, c'est-à-dire celui Jéhovah. C'est un Dieu comme Agumu Yabo. Mais dire il y avait deux dieux, deux trois. Bayouda, Bakupanda, Kelma Bishano. Pour eux, Jéhovah, Jom Kombozi. Dire que c'est kusema jo ukiana wa miaka makumi tatu na tatu, kusema nous devons nous ingénuer devant ces jeunes hommes. Ce qui va dire, c'est ce que nous allons faire, nous ferons. Sasa, mushike ndumba mwingine. La femme samaritaine. Uyu Musamaria. Elle dit dans Jean 14. Anasema mu Yohana 14. Le Messie viendra. Anasema wakati Messie atakuyaka. Oui. Ye. Nous dira tout chose. Atatuambia bintu byote. Ce que nous devons faire. Ile tunapaswa kufanya. Sortir de la bouche. Binapaswa kutoka mkinyo wa Messie. Jua nini? Elle savait que Messie c'est Dieu. Ye aliyokusema Messie ni Mungu yeye mwenyewe Mungu. Et ce qu'il dit. Na kila anasema quelque chose. Wakati anasema ana kitu fulani, ndio kila anapaswa kufanya. C'est lui la grande autorité. Yenjo alikuwa mamlaka juu sana ya kuheshimia, ya kutii, à suivre ses instructions. Ya kufuata mafundisho yake. Elle était certaine. Alikuwa na uhakika. Ya kusema Jehova. En tant que homme. Sawa mtu. Lui doit nous dire tout ce que nous devons. Yeye anapaswa kutuambia yote anapaswa kufanya. Vous savez dans tout ce que tout prenez ça Jean 4. Jean bébé. Jean chapitre 4. Yohana sura ya 4. Jean chapitre 4. Yohana sura ya 4. Jean chapitre 4 verset 25. Yohana sura ya 4 mstari wa 25. La femme lui dit. Ule mwanamke akamwambia, mimi najua. Que le Messie doit venir. Yakusema Messie anapasha kuya. C'est lui qu'on appelle Christ. Yenjo bako naita sema Kristu. Écoutez comment elle parle. Mushike vile anasema. Il est encore nasema. Au moment où elle partait, elle était encore mdumba mkaaba. Messie anapasha kuya. Ça ne va pas rater ta poussa. Il doit venir. Et ici, il y a des frères, il y a des sœurs, badada banduku. Ah ben, ils n'ont pas encore accepté le kurudia kwa Yesu Christ. Je n'ai pas sûr que l'enlèvement peut se faire. Tu diras, je sais que ça va arriver. Mais tu te comportes comment? Et tu, ton comportement l'a fait voir que l'enlèvement aura lieu. Est-ce que tu as annulé à la Caribie? Le Messie doit venir. Messie n'a pas chassé. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, wakati atakuya. Si il se retourne sur la terre, lui, le Messie là, ou le Messie, nous fera connaître toutes choses. A t'étonner chacune tout côté. Vous savez pourquoi il a parlé comme ça? Regardez le verset avant. Wangare mustari ya yulu. En rapport avec l'adoration. Inambatana na ile mabudu. Yenjo atapasha t'étonner ça à kwenda kwa kanisa. C'est lui qui va nous dire l'heure où il faut aller à l'église. Quand il y a jeûne et prière, c'est lui qui doit nous indiquer. La façon de nous habiller, c'est lui qui doit nous dire. La façon de vivre dans nos ménages, c'est lui qui doit nous dire. Le Messie, Messia, n'est pas autre chose que la parole de ton temps. Si ce n'est la parole de ton temps. Le Messie, Messia, c'est lui qui nous dira ambia, comment nous devons nous comporter face aux sœurs et aux frères. Kan, la banduku na badada, dada na kotola, même si la sœur a fouté, même si les frères a fouté, le Messie, Messia, lui nous dira ce que nous viendrons faire quand nous venons à l'adoration. Nous ne venons pas pour être vus ou pour voir. Le Messie nous dira Messia, ça. Et qu'est-ce kile, que c'est que le Messie? Neno ya wakati yako. Sasa toi même tu dois te considérer. Est-ce que nous allons dire que tu es dans la foi? Quand la parole vraie vient. Wakati neno la kweli la kuya. Elle corrige. Iko na nyolosha. Elle corrige l'homme. Iko na nyolosha mtu. Elle corrige la femme. Inakonyolosha mwanamke. Inakonyolosha jamaa. Elle corrige toute chose. Iko na nyolosha kila kitu. Celui qui ne paye pas la dîme. Ula shiripake te kumi. Neno inakuyaka kumurudisha musawa. Apa muro ancien na toksi mami. Là dans ton cas tu dis qu'est-ce qu'il veut dire l'ancien? Chaque jour, c'est mal pour vous de dire. Tu as la parole de ton temps. Uko na neno ya kati yako. Je dois te dire ce qu'il na faut. Na neno ya kati yako na pasha kuambia kile unapasha kufanya. Tu viens à l'église en retard. La parole de ton temps te dit. Neno ya kati yako na kuambia nini? Toi, tu suis des films. Est-ce que la parole de ton temps Nenu, la wakati yako, approuve que les croyants sont esclaves de série mu Christu anapasha kuwa mutumwa wa maseri. Mais lakini, ça sortait de la bouche ilianza kutoka mkinywa d'une prostituée. Ya ndumba, mkaaba. Mais toi, tu as 20 ans. Lakini wewe unaisha kuonesha miaka 12. Ulianziaka masomo mwenga. Tu as 15 ans. Unakuwa na miaka 15, unamekuwa na miaka 10. Il faut pas oublier ça, mon Christ va s'attaquer. On doit te rappeler que un chrétien n'amplifie pas la peau. Est-ce que tu es sûr que Jésus est Dieu? Ukuna hakika kusema Yesu ndio Mungu? Mon Christ va s'attaquer bushara. Un chrétien ne se prostitue pas. Basi kukumbusha. Donc comment ça te rappeler ça? Mangareni les deux prostituées. Au moment où ils sont entrés avec la chose vraie en contact, elles ont accepté de l'abandonner l'ancienne vie. Leur façon de parler ancienne. Elles se sont barrées du tumbukuza dans la chose qu'ils ont trouvée. C'est ça la vérité. C'est ça le Dieu véritable qui mérite le respect, l'obéissance, la consécration et l'abandon. On ne voit pas dans le Christianisme. Mais pourtant, dans le message vrai, ça nous étonne. C'est étonnant. Être sûr de Dieu. Kuya na wakika ya Mungu. Jo uwe na wakika ya Mungu. Unakuwa na hakikisho. Que huyu mimi napata Dieu. C'est lui que j'ai reçu, c'est le Dieu vrai. Et quand on reçoit le Dieu véritable. Na mwakati wapokea Mungu wa kweli. On chasse toutes sortes d'idoles. Tukuna fukusha aina yote ya salamu, ya sanamu. Tu dois renier tout ce qui avait votre penchant, là où il y avait votre penchant. L'homme qui a reçu la véritable parole, le Dieu véritable. Mais on appelle à s'accrocher à Dieu, s'accrocher aussi au tribalisme, à l'ancien comportement. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Le nouveau que tu as reçu, le vrai, lui, il doit t'enseigner beaucoup de choses. Ce ne sont pas les diacres qui vont te suivre, ce n'est pas au pasteur de te suivre. À qui que tu n'as pas oublié ça, la kini, Moufoumoualimouabekweri, autant de l'Odyssée, les choses sont compliquées. Prétendent avoir reçu Christ, le Dieu véritable. Mais, chose étonnante, le Christ d'aujourd'hui n'enseigne pas. Christ wa leo afundishake matumishi ba mitume yake. Comment il peut faire ça? Namna kana anaweza kufanya hivi? Est-il devenu miwe? Eti anakuwa bubu. Abina sawa. Ce n'est pas correct. Abina sawa. C'est pas correct. Abani bandumba. Et ce sont des, elles étaient des prostituées. Terminons en rab. Josué narab. Écoutez comment elle a parlé. Joshua sura pili tushikeve la lesemo. Josué 2. Joshua. Josué 2. Yeshua. Verset 12. Piri, Moustaria, Kumambiri. On commence d'abord à 11. Tuanza, Moustaria, nous l'avons appris. Turishikia. C'est-à-dire, tu n'as pas ta barre. Kusema, nous avons reçu le message que c'est ça la véritable parole. C'est lui le Dieu vrai, réel. Nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Mukumiona tu. Car Kwani, c'est Jéhovah Votre Dieu, Mguenu, qui est Dieu en haut, Dieu mungu dans juu, les cieux mbingu, et en bas sur la na terre. Apa chini pa dunia, c'est lui qui a la décision de tout homme sur la terre, c'est lui qui gère ici. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Tu as mis sur mes yeux à apa. On a quoi sur l'assurance que c'est moi? C'est lui qui gère ici, c'est lui le Dieu véritable. Si je me mets à genoux pour lui, il aura la mer, il va entendre l'amertume que j'ai. Si je suis d'écouter d'une quelconque vie, si je me mets à genoux, il va m'écouter. Si j'ai des problèmes, c'est à lui que je vais me décharger. Nié et pekeake. Wakati mtu alikuwa na ile atikisho ya kusema c'est lui que gère c'est le Dieu véritable. Ana tulaka mauzuni yake yote kwa Jehova. Il ne portera plus ses inquiétudes. Ataiba tena mangaiko yake. Il ne portera plus ses soucis. Ataiba tena mangaiko yake. Anajua kusema huyo ye. Sur qui il faut se décharger. Pake tunapasha kumuturia miziko ni huyu. Il faut confier tout ce que je peux. Tunapasha kumtumainia kumuturia mambo yote likunayo. Comment une prostituée comment une révélation comme ça nous on a manqué. Ndumba anaweza kuya anafunua hivi ile shii hatuna nayo. Après 20 ans dans le message. Kisha miaka makumi mbili katika ujumbe. Si atuna ile ufunuo. Atuna na hii atikisho hivi. Namna kani yeye aliwezi kuwa na hii mkatikisho. Écoutez comment elle poursuit. Shikie anaendelea. Et maintenant. Na hapa sasa. Jurez-moi. Munilapie ko. Par Jehova. Kupitia Yehova. Que vous aurez pour la maison de mon père. Ya kusema njuu ya nyumba baba yangu. La même bonté. Iwema. Que j'ai eu pour vous. Milionekanisha kukwenu. Munilapie. Jurez-moi. Ivi mine chika neno la kweli. Comme j'ai accepté la véritable parole. Comme j'ai reçu le Dieu véritable. La façon dont je me consacre au chose de Dieu. Que Dieu puisse se souvenir aussi de moi. Combien peuvent dire aussi ça? Le Dieu pour qui je gêne chaque jour, qui puisse se souvenir aussi de moi, qui puisse se souvenir de ma maison, qui puisse se souvenir de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Combien? Mais vous êtes de l'épouse. Donc elle avait la révélation plus que toi. Hier, quand on a funo kushindia. Si tu as la même révélation. Kama uko na funo moya. Donc tu regarderas Rahab. Utangare Rahab. Tu dis, dans moi j'irai au paradis. Elle continue. Nanenderea. Donnez-moi l'assurance. Munipatieko atikisho. Les véritables croyants. Mwamini fobia kweri. Ne vivent pas comme ça. Ashishake paka hivi. Donnez-moi la certitude. Munipatieko atikisho. Si je mourrai ya kusema, kama mina kufwa, mitenda kuparadizo. Si la mort doit me trouver. Kama mwa ulufu wapati mikuta. Nipate kwa atikisho. Ya kusema nesha kokolewa. J'ai besoin d'une assurance. Miko na itaji atikisho sa Ibrahimu. Pour déplacer un homme de 75 ans. Ya kutosha mtu wa miaka makumi saba na saba. Qui puisse déménager, quitter la ville où il est né. Il n'a pas chez atikisho. Une on passe à Tikisho. Maintenant là-bas, ça, ça mouli. Elle demandait l'assurance aux hommes. Aranza Kulomba à Tikisho, Kubantu, binafsi. Pourquoi? Djuani. Elle faisait confiance. Aranza Kutumainia Kusema. Ils ont Dieu, ces gens ici. Ces gens-ci sont en train de représenter Beno Nekanisha Mouli. En demandant l'assurance. Mukomba Tikisho. Elle demandait à Jehovah. Aranza Nikomba Jehovah. De se souvenir d'elle aussi. Apate Kumukumbuka Konae. Tu sais qu'elle a fait. Kwa ile yote alifanya. Jésus ça, doit se souvenir de toi en quoi? Yesu Christ atakukumbuka panini. Comme tu viens en retard, la, comme tu ne viens pas à la prière le vendredi, yes, atakukumbuka kunini. Que Jésus se souvienne, yes, que tu ne payes jamais le qu'il se souvienne de que l'offrande de construction ya komba sadaka majengo, tu avais pris l'engagement mais tu n'as jamais na au ya ono, eshmiaka ni mipango, qu'il se souvienne de quoi akumbuke nini. Combien tu es tribaliste marangapi kwa kikabila qu'il se souvienne de quoi akumbuke nini. Combien tu es champion en calomnie marangapi wojo mkubwa mumashimango. Donnez-moi l'assurance. Munipatia tikisho. Verset verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Comme ça seulement. Si vous ne nous trahissez pas, si vous ne trahissez pas la parole, mais toi, tu es allé épouser une païenne. Tu as divulgué le secret. Churitosha siri ya nyumba ya neno. Arrêtons de blagues dans les choses de Dieu. Arrêtons de jouer dans les choses de Dieu. Nous les adultes, regardez tous ces petits enfants qui viennent comme pour l'interprétation des choses. Eux prendront des choses de Dieu au sérieux. Et nous serons la génération de ceux qui vont mourir au désert. Soyons sérieux. Si vous êtes sûr que ce message est la vérité de Jésus-Christ, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, votre comportement changera. Votre conduite changera. Votre couple changera. Si ça ne change pas, vous n'êtes pas sûr. Vous le proclamez, mais là dans l'intérieur, aucune assurance. Qu'une assurance. L'assurance dans le cœur, on sait le voir dans la conduite. Je donne un exemple pour terminer. On écoute, frère Mwarimu Ilunga, on écoute. L'enseignant Ilunga me trouve. Nikuna kongosha mangua. En train de prêter les habits. Ula nenikuta na ninani? Avec qui me trouve? Moi avec Venance. Venance a pris des chaussures pour sa femme, pour les enfants et les habits. Et l'enseignant Lunga dit, d'où José? Vous êtes une Akika de Venance? Dio. Je suis certain que Venance va payer. Venance a taripa. C'est pourquoi je m'investis. Mina du taux à moulé. Donner mes histoires. Vous êtes certain de Dieu. Quand vous êtes certain que ça, c'est la parole vraie, que Jésus, c'est le Dieu véritable, vous vous investissez. Corps, âme, esprit. Votre temps. Vous mangez en Christ. C'est ça votre cas? Et si ce n'est pas le cas, vous attendez après Lubumbashi? Kisha, kutoa Lubumbashi. Vous attendez quoi? Unachunga nini? Parce que l'amour peut vous trouver. Sababu, qu'est-ce que vous attendez? Utafanya, vous attendez la fin de l'enseignement sur la divinité? Ya vous pouvez mourir avant la fin de l'enseignement. Mbele mabili, oui. Quelle garantie nous avons? Même atikisho commençant par moi. Quelle garantie nous avons? Atikisho kani tukunai. Colossiens 2 dit ceci. Wa Colossae, tu as capiri, nasema hivi. Prenez ça. Colossiens 2. Colossae. C'est une bonne écriture quand même. Ni andiko mzuri. Napenda isema. Voilà, 5 minutes c'est déjà beaucoup. Colossiens chapitre 2. Wa Colossae sura ya pili. Suivez ça, c'est très bien. Kwa mzuri. Regardez comment Paul introduit l'épître ici. Barua mwangarieni na Paul nikunapenda que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Marangapi bukomvi bukubunene buli nimekombania. Et pour ceux qui sont dans l'âge de la Odyssée. Na bale benye kwa mkizaki ya la Odyssée au Kambo. Combien le combat ni mambo ya nguvu sana. Combien c'est grand le combat. Ni mambo ni bukomvi kani buku bwa nguvu vile. C'est quel combat qui est très difficile. Kama unapata neno la kweli ya wakati yako. Lorsque vous recevez la parole vraie de votre temps. Lorsque vous recevez le Jésus Dieu. Le combat commence et avec toute vie sale, le combat commence avec une pensée qui n'est pas parole de Dieu. Le combat commence avec tout comportement qui n'est pas la parole de Dieu. Le combat devient difficile. Le combat commence. Poursuivons. Tout va tendre. afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Kusudi bapate kwa na mioyo yenye kujaa na faraja. Wakati tunapata neno la kweli. Et qu'on a trouvé le véritable. Tunapata Mungu wa kweli. Le cœur est rempli de consolation. Inajaa na faraja. Parce qu'on a trouvé du mariage ou de l'emploi. Tunapata kazi wala ndoa. Le cœur est consolé. Lakini mwili nafarijiwa. Jua nini? La vérité du jour, kweli ya siku minaipokea na Mungu wa kweli minampokea na moyo wangu inafarijiwa. Amen. Amina. Et qu'il soit uni dans l'amour. Na bapate kungana mu mapendo. Frère, nduku na nduku. Sœur, dada frère. Na dada. Amour, frère. Bapate kona mapendo ya hakika ya kweli. Pas de flatterie, de calomnie. Si les gens ont le Dieu véritable. Ils ont aussi l'amour véritable. Ils n'ont pas de calomnie entre deux. Ça n'existe pas. Ce que nous voyons. Ce sont des signes qui prouvent que beaucoup nombreux parmi nous n'ont pas encore reçu le Dieu véritable. Ils ont l'enseignement, mais le Dieu véritable n'est pas dans leur cœur. Le Dieu véritable dans le cœur, il donne la consolation, il fait naître l'amour pour les uns et les autres. Que Pentecôte c'était. Allez lire ça dans Actes 2. Moi, je suis matin dans tous mes sourapires. Et enrichi d'une pleine intelligence. Ils ont le Dieu véritable. Ils connaissent que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ils savent que cette façon de parler n'est pas la parole de Dieu. Tel accoutrement n'est pas la parole de Dieu. La façon dont je réponds à mon mari, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais combien sont ici et parlent mal à leur mari. Venant. Mais la couille, Dieu va pas te filmer, va pas te filmer, va pas te filmer. Vous avez l'intelligence? Et tu as Kima? Non. Ah, pas l'intelligence? Akiri. Bien seulement quand on rencontre le vrai. Ni mwa na Mungu wa kweli. Mais quand on rencontre le kambo tabernacle. Na kutana na kambo tabernacle. On est dépourvu. Una kuya mpumbafu akire inako. On peut manquer du respect. On est du côté à Ishima Bwanaako. Demain on vient adorer. Lakini kesho na kwate na kuabudu. On insulte son mari ou sa femme. On atukana Bwanaako ala bibi yako. On insulte ses beaux frères. On atukana ba. Mais on vient jouer. Tu vois Bwana bibi lakini na kwa kucheza nzenze. Jua nini? Dépourvu d'intelligence. Ju unesha kose wa akili. Pourquoi? Jua nini? Dépourvu de Dieu véritable. Unesha kose wa Mungu wa kweli. Prenez le verset 6 maintenant. Moussara Sita. Ainsi donc, Ivibas. Conclusion. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, savez, comme vous avez cru au message savez, vrai de votre temps, muriamini kujumbe wakati yenu ya kweli, marchez en lui. Tembeeni ndani yayo, ndani yake. Obéissez à la parole. Mukusema kwingine tiini muti kunene. Est-ce que parmi nous il y a les gens qui ont cru véritablement? Oui. Si tu as cru véritablement, aujourd'hui tu dois dire, ça n'est fini, je serai obéissant à la parole de Dieu. Mutembe ndani yake. Non seulement marcher. Apana tu kutembea. Suivez le verset. Fuate ile mustari na fuata. Etant enraciné. Benye kutia mijiji ndani yake. Etant enraciné dans les choses de Dieu. Mes pensées. Que ce soit la parole de Dieu. Mes pensées, mes désirs, ma volonté. Que ce soit la volonté de Dieu. Tout pour moi, ça doit être la parole de Dieu. Tu dois te battre, lutter pour être entièrement parole de Dieu. De sorte que, quand quelqu'un te regarde, lorsque la une personne en Akwangaria, à part te connaître, ni Arabe n'engraba la pelleuse, bah oui. Forcément, ils sont enfants de Dieu. Ah, les calomnies vont s'arrêter, vont s'arrêter. Tu regardes un frère, la soeur, et tu diras que ce sont les enfants de Dieu. Je ne peux pas les trahir, les livrer. Je ne peux pas parler en mal envers eux. Étant enraciné, fondé en lui, que le Seigneur bénisse. C'est ce qui n'existe pas aujourd'hui. Mais Dieu, lakini Mungu, dans son amour, mapendo yake, voyant ta détresse, mwenye kona ole voyant yako, d'autres détresses, mwenye kona ole qu'est-ce qu'il fait? Anafanya nini? Il envoie la parole. Anatuma neno. Il nous tend la main. Anetunyolosha mukono. Pour que nous quittions notre détresse. Tupate kutoka ile mangaiko yetu. Notre état lamentable. Ile hali yetu ya mubaya. Que le Seigneur bénisse. Bwana ambariki. Tout à chimam. Lèvons-nous. Nime pata salama kutoka mbingu. Sasa nina pumzika kwa Yesu. Na salama kiso na tabu ya po. Kina salama na kini. Nime pata. Nime. Salama ya Mungu kulinda mioyo hiyo inayopita usiku. Tutaomba Mungu sote. Prions Dieu tous ensemble.